每次默默的孤单，带你独自ouvrir ton cœur。Cette pudeur de sentiment, c'était l'extase tout simplement. Nous pourrirons dans l'herbe douce, nous nous souviendrons de nos jours. Nous pourrons en calme dans la mousse, revivrons ces moments toujours. Je te le dis.Car je connais les asticots et l'air blanc califora, ils ne nous laisseront que les os. Je te dis, mais je n'y crois pas. Mais j'aimerais que ce soit vrai, ce monde où les gens revivraient chansons d'amour.Je te le dis, mais je n'y crois pas. Et j'aimerais que ce soit vrai, ce monde où les gens revivraient chansons d'amour, etc.